à moi. Tout est perdu pour moi. C'est l'inconnu sans toi. Plus rien à faire quand je te perds. L'amour était trop fou. Jusqu'au jour où soudain je t'ai vu passer tenant la main, la main d'une autre, quelqu'un remplacera ce